je suis congelé, plus jamais je ne te parlerai. À côté, à côté, à côté, à côté de moi. À côté, à côté, à côté, à côté de toi. Yeah.